Chapitre 13. La loterie. Quand elle fut prête, elle alla chercher Gisèle et son mari. Ils montèrent tous trois en voiture sans parler. Victor était embarrassé vis-à-vis de sa femme qu'il avait blâmée devant Gisèle, et de sa fille qu'il avait écoutée et gâtée au-delà de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. Léontine était préoccupée et triste. Elle n'avait pas même regardé Gisèle avant de monter en voiture. Gisèle était vexée que sa mère ni même son père n'eussent admiré sa belle toilette. Il y avait déjà plusieurs personnes quand ils entrèrent. Les enfants s'amusaient dans le jardin. M. de Néry et sa femme ne purent retenir une exclamation de surprise en apercevant Gisèle. Elle avait fait ajouter à sa robe une masse de rubans, en défendant à sa bonne d'en parler à sa mère. Elle avait emporté les fleurs qui avaient orné sa tête. Elle en avait piqué une grande partie dans les mailles de son filet. L'énorme nœud n'avait pas été oublié, elle l'avait attaché à la nuque. Pierre, riant. « Ma pauvre Léontine, pourquoi as-tu affublé Gisèle de tous ces rubans et de ces fleurs ?» Léontine, étonnée, se retourna, regarda Gisèle un instant. « Léontine, ce n'est pas moi, mon amie, c'est elle-même qui s'est rendue ridicule. Pierre, il y a donc eu lutte grave, ma pauvre sœur. » « Léontine, plus grave que jamais, je t'en reparlerai. » Léontine alla embrasser ses sœurs et saluer les personnes de connaissance. Gisèle s'était esquivée pour aller au jardin où elle excitait le rire des enfants. « Le cousin Jacques, tu as l'air d'un Mont-Blanc, Gisèle. » « Le cousin Louis. » « Ou d'un fromage à la crème. » « Le cousin Paul. » « Ou d'une grosse boule de neige. » « Laurence, pourquoi donc es-tu tout en blanc ?» Une amie. « C'est qu'elle veut être comme une mariée, probablement. » Une autre amie. « Pourquoi t'as-t-on mis tant de rubans ?» Un petit garçon. « Tiens, c'est commode pour jouer au cheval. Les longs rubans par derrière feront les guides. » Le petit Georges s'écrie. « C'est vrai, ça !» Il saisit les longs bouts pendants, les tire en disant « Hu, dada, hu, donc !» Gisèle se fâche, le repousse, Georges tombe. Les enfants l'entourent et l'embrassent en disant « Sauvons-nous de Gisèle, elle va nous jouer quelques méchants tours comme aux Champs-Élysées. » Ils s'éloignent et emmènent Georges. Gisèle les suit, ils se mettent à courir. Gisèle les poursuit, ils l'entourent, font une ronde autour d'elle et chantent « Tournons, tournons autour du Mont-Blanc, goûtons, goûtons, si c'est un fromage, voyons, voyons, ces longs rubans blancs, non, non, fuyons, Gisèle est en rage !» Gisèle, en effet, était furieuse. Entourée par une ronde de 20 enfants et voulant les éviter, elle se précipitait de droite à gauche pour pouvoir s'échapper. Mais la ronde tournait avec une telle rapidité qu'il lui était impossible de passer, ni même de saisir quelqu'un au passage. Les plus malins tiraient un ruban, attrapaient une fleur qui leur restait dans les mains. La queue fut le premier trophée enlevé à l'ennemi. Au bout de 5 minutes, ses dépouilles jonchaient le terrain. Les cris de rage de Gisèle, entremêlés des chants et des cris de joie des enfants, n'avaient pas d'abord attiré l'attention des grandes personnes restées dans les salons. Mais la prolongation de ce tumulte, au milieu duquel dominaient parfois les cris de fureur de Gisèle, inquiétèrent M. de Néry. Il vint jeter un coup d'œil sur cette ronde qui tournait comme un ouragan et vit de suite que ce jeu, amusant pour les uns, ne l'était pas pour tous. Il le fit arrêter et en retira Gisèle. M. de Néry, c'est un mauvais jeu, mes enfants. Il ne faut jamais s'amuser aux dépens de personne. Ce qui vous semble si drôle fait pleurer la pauvre Gisèle. Les enfants. « Nous ne voulions pas la faire pleurer, monsieur. Nous ne lui faisions pas de mal. » M. de Néry, « Vous ne vouliez pas, mais vous l'avez fait. Vous lui avez arraché tous ses rubans, sa belle queue, vous l'avez décoiffé, vous lui avez fait des trous à sa robe, et vous ne trouvez pas que vous lui ayez fait de mal. Si vous recommencez les choses pareilles, il n'y aura de loterie que pour les enfants sages. » Blanche et Laurence étaient arrivées. Elles cherchèrent à consoler Gisèle et l'emmenèrent pour la recoiffer et arranger sa robe chiffonnée et un peu déchirée. Pierre alla raconter à Léontine ce qui venait de se passer. La voyant très effrayée, il la rassura et lui dit que Blanche et Laurence s'occupaient de réparer le désordre de la toilette de Gisèle. Il engagea Léontine à ne pas y aller, de peur d'exciter quelque impertinence, quelque scène de sa fille. Et il promit que ses sœurs ne quitteraient plus le jardin pour empêcher une nouvelle invention malheureuse des enfants réunis. Gisèle ne tarda pas à revenir avec ses tantes, qui l'avaient parfaitement coiffée et arrangée, de sorte qu'elle était très bien au lieu d'être ridicule. Elle-même le sentait. Son visage s'était éclairci, sa colère avait fait place à un sourire satisfait. Elle reçut sans bouderie les regrets exprimés par les enfants et eut l'air de ne plus songer qu'à s'amuser. Guignol ne tarda pas à tirer son rideau et commença sa représentation qui excita, comme toujours, la joie et la gaieté. Guignol se surpassa. Polichinelle fut plein d'esprit et de méchanceté, le commissaire fut plus malin que jamais, les autres personnages, y compris le diable, furent charmants, chacun dans son genre. La représentation finit au grand regret de tous les spectateurs. Il y eut un « ah » général quand le rideau se rouvrit et que Polichinelle et le diable apparurent, tenant chacun un sac à la main. Polichinelle n'a pas très bon ton, comme le savent tous ceux qui l'ont entendu. Il se mit à crier « sac à papier ! Arrêtez donc, vous autres ! Mon ami le diable et moi, nous avons quelque chose à vous donner. Ventre Saint-Gris, vous n'entendez pas ? Arrivez tous, chacun votre tour. Tendez la main !» Les enfants défilèrent l'un après l'autre et reçurent chacun un billet de loterie noir du diable et deux billets rouges de Polichinelle. Le diable, en donnant son billet, tirait la langue, une énorme langue rouge et pointue. Ou bien il donnait une tape avec son billet, ou une chiquenaude sur le nez. Polichinelle, au contraire, promettait des lots superbes, demandait au garçon de l'embrasser et pestait contre son nez qui le gênait pour baiser la main des petites filles et des demoiselles. Tout le monde était venu voir Guignol et la distribution des billets de loterie. Quand tous les enfants eurent leurs billets, Polichinelle fit voir encore quelques billets en disant « J'en ai encore à donner aux personnes aimables et sages. Mesdemoiselles, Blanche et Laurence, par ici, par ici. Votre vieil ami Polichinelle vous attend, tout prêt à vous servir. Voilà, voilà !» Polichinelle donna des billets à Blanche et à Laurence qui riaient et leur envoya un petit baiser comme un de leurs plus anciens amis. Polichinelle regarda et appela encore Monsieur Tocambel. « Par ici, mon frère, par ici » cria-t-il. « Tu vois bien que je suis ton jumeau. Bonnet, ma foi, il manque la bosse, mais ça viendra, le commencement y est. » « Polichinelle, mon frère, répondit M. Tocambel, donne-moi un billet et un bon. Traite-moi en frère, puisque tu m'appelles ainsi. »« Voilà, voilà, frère, un beau lot, tu verras. » Polichinelle lui présenta un billet et disparut en riant comme un fou. Le diable, qui était mieux élevé, salua la compagnie à droite, à gauche, au milieu, et le rideau tomba. La musique se fit entendre. On se mit à danser des galops, des contredanses, des rondes. Quand les enfants se sentirent fatigués, on se mit à table. Un excellent dîner fut servi. Les enfants le mangèrent de bon appétit. Les parents furent servis après les enfants pendant qu'on tirait la loterie. Les lots étaient jolis. Les billets de Polichinelle gagnaient des choses charmantes. Les billets du diable gagnaient des lots absurdes. Des verges, des carottes, des oignons, des navets, pommes de terre, cailloux, clous, vieux chiffons, etc. À la suite de tous les lots, arriva celui de M. Tocambel. Madame de Montclair voulut l'ouvrir elle-même, malgré les réclamations de M. Tocambel. « Je ne veux pas, » dit-il. « Vous allez me jouer quelques tours. Je vous dis que je veux ouvrir mon paquet moi-même. Donnez-moi cela, baronne. Cela m'appartient. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. » Madame de Montclair. « Ah, je n'ai pas le droit, mon bonhomme. Vous croyez cela? Je me le donne, moi. » Cric, crac, le papier d'enveloppe fut déchiré, Madame de Montclair éleva le bras et fit voir à tout le monde une paire de brodequins en maroquin rouge pour de très petits pieds de femme, dignes de chausser le pied de Cendrillon. « Bravo » cria-t-on, « c'est charmant, il faut les essayer !» Quand Madame de Montclair abaissa le bras, on l'entoura pour examiner les petits brodequins, et on vit avec surprise que l'un d'eux contenait les ustensiles nécessaires à la toilette et l'autre tout ce qu'il fallait pour écrire. « Avez-vous de la chance ?» lui dit Madame de Montclair en rendant à M. Tocambel sa paire de brodequins. « J'aurais dû les garder, je suis réellement trop honnête. »« Voulez-vous me les donner, mon bon ami ?» dit Gisèle d'un air câlin. « Monsieur Tocambel, non, ma belle enfant, je les garde pour moi. » Gisèle, « je vous en prie, mon bon ami, donnez-moi ces brodequins, ils sont trop jolis pour vous. » Monsieur Tocambel, « comment, trop jolis pour moi? Voyez-vous cela? Sachez, ma belle enfant, qu'il n'y a rien de trop joli pour moi, du moment que votre oncle et votre tante l'ont jugé ainsi. » Gisèle, « vos brodequins sont plus jolis que ceux que j'ai gagnés. Voulez-vous changer? Je vous donnerai ma glace à pied et mon beau couteau à papier en ivoire sculpté, et vous me donnerez vos jolis brodequins. Voyons, mon bon ami, décidez-vous. » Monsieur Tocambel, « mais je suis tout décidé, je garde mon lot et je vous laisse les vôtres. » Gisèle, « je ne veux pas de mes lots, ils ne sont pas jolis, on a choisi pour moi les plus laids. » Les enfants qui l'entouraient l'assurèrent que son couteau à papier était très beau et que sa glace à pied montée en bronze était charmante. Gisèle, « et à quoi ça me servira-t-il? J'ai des glaces partout et des couteaux dans tous les coins. » Georges, Alors veux-tu me donner ton couteau? Je n'en ai pas tout juste. Gisèle. Non, je veux le jeter. Théodore. Oh, je t'en prie, ne le jette pas. Il est si joli. Donne-le-moi plutôt que de le jeter. Gisèle. Je ne veux le donner à personne. Je veux le jeter. Théodore. Ah bien, je te suivrai partout, et quand tu le jetteras, je le ramasserai. Michel. Et moi donc, je la suivrai aussi, et comme je suis leste, c'est moi qui l'aurai. Les autres enfants en dirent autant, de sorte que lorsque Gisèle, impatientée, voulut s'en aller, elle fut escortée par une trentaine d'enfants qui la suivaient de près. « Laissez-moi ! Cria Gisèle. « Je veux m'en aller !» Les enfants. « Nous ne t'empêchons pas de t'en aller, seulement nous ne voulons pas laisser perdre tes jolis lots. » Gisèle essaya de courir, mais tous les enfants couraient après elle. Plus Gisèle s'impatientait et plus les enfants s'amusaient à la taquiner. Des deux côtés, on commençait à se fâcher. Gisèle, en voulant les faire partir, donnait des tapes et disait des injures. Les enfants ripostaient et menaçaient de lui arracher ses lots de force. Laurence s'approcha du groupe serré et bourdonnant comme une ruche d'abeilles. Laurence. Que faites-vous donc, enfant? Pourquoi Gisèle a-t-elle l'air si fâchée? Gisèle. Ma tante, ils veulent me prendre mes lots. Juliette. Ce n'est pas vrai. Nous voulons t'empêcher de les jeter et de les perdre. Laurence. Pourquoi les jeter? Et à qui les jeter? Juliette. À personne. Gisèle veut jeter les lots qu'elle a gagnés parce qu'elle est jalouse des brodequins de Monsieur Tocambel. Gisèle. Je ne suis pas jalouse du tout, cela m'est bien égal. Thomas. Puisque tu les as demandés, cela ne t'est pas égal, tu vois bien. Gisèle avec colère. Laisse-moi tranquille, je te dis que ça m'est égal. Laurence avec douceur. Gisèle, Gisèle, est-ce qu'on répond ainsi? Sois gentille. Tu vois qu'ils s'amusent tous à te mettre en colère, parce qu'ils voient que tu te fâches pour un rien. Viens avec moi, Gisèle, nous irons rejoindre maman. Gisèle. Non, je ne veux pas aller rejoindre maman. Laurence. « Mais c'est maman qui te fait dire de venir. » Gisèle. « Qu'elle vienne me voir, si elle veut. Moi, je suis avec mes amis. » Laurence. « Des amis avec lesquels tu te disputais joliment quand je suis venue. » Gisèle. « Parce qu'ils sont bêtes et insupportables, mais je veux rester avec eux. » Laurence. « Eh bien, puisque tu ne veux pas venir, reste avec eux. Je m'en vais. » Et Laurence alla rejoindre ses sœurs. Maurice. À Gisèle. Je te remercie bien de nous trouver bêtes et insupportables. Vengeons-nous, mes amis, vengeons-nous, à nous les lots. Tous les enfants s'élancèrent comme pour monter à l'assaut. Gisèle, qui ne s'attendait pas à ce mouvement, fut en une seconde dépouillée de son couteau à papier et de sa glace à pied. Après quoi, les vainqueurs furent attaqués par ceux qui avaient eu moins d'habileté et de bonheur. Au milieu des rires et des cris de joie, le couteau et la glace de Gisèle passèrent de main en main jusqu'à ce que les deux objets fussent brisés en morceaux.